Chapitre 113. Les halles et l'approvisionnement de Paris. Le travail de Paris. Villes et champs ont besoin les uns des autres. L'ouvrier des villes nous donne nos vêtements et une foule d'objets nécessaires à notre entretien. Le travailleur des champs nous donne notre nourriture. On se trouvait tout près des halles centrales. L'oncle Franz y conduisit les enfants. Il était 9 heures du matin, c'est-à-dire le moment de la plus grande animation. Julien n'en pouvait croire ses yeux ni ses oreilles. « Oh, oh !» s'écria-t-il. « C'est bien sûr une des grandes foires de l'année. Que de monde et que de choses il y a à vendre !» L'oncle se mit à rire de la naïveté de Julien. « Une foire !» s'écria-t-il. « Mais mon ami, il n'en a jamais au hall. Le bruit et le mouvement que tu vois aujourd'hui sont le bruit et l'animation de chaque jour. Quoi ? C'est tous les jours comme cela ? Tous les jours ? Il faut bien que ce grand Paris mange. Songe qu'il renferme 2 millions d'habitants. » Dont 1,5 million d'ouvriers qui travaillent avec courage depuis l'aube jusqu'au soir. Tous ces habitants, en revenant du travail, de leurs affaires, de leurs plaisirs, ont bon appétit et espèrent trouver à dîner. « Oh !» dit le petit Julien, « ils auront certes de quoi le faire. Jamais depuis que je suis au monde, je n'ai vu en un seul jour tant de provisions. Regarde André, ce sont des montagnes de choux, de salades, il y en a des tas hauts comme des maisons, et des mottes de beurre empilées par centaines et par mille. » « Sais-tu, dit André, ce qu'il faut à peu près de bœuf et de vache pour nourrir Paris pendant un an ? J'ai vu cela dans un livre, moi. Il faut 160 000 bœufs ou vaches, 100 000 veaux, 800 000 moutons et 60 000 porcs, sans compter la volaille, le poisson et le gibier. Mais, dit l'enfant, ce Paris est un gargantois, comme on dit. Où trouve-t-on tous ces troupeaux ? Julien, dit l'oncle Franz, ces armées de troupeaux arrivent à Paris de tous les points de la France. Paris a 7 gardes, chemin de fer. » Il y a aussi la navigation de la Seine, à laquelle aboutissent les réseaux des canaux français. Par toutes les voies, les provisions lui arrivent. Tiens, regarde par exemple cet étalage de légumes. Il y a là des choses qui ont passé la mer pour arriver à Paris. Voici des artichauts. Penses-tu qu'il puisse en pousser un seul en ce moment de l'année dans les campagnes voisines de Paris ? Non, il fait encore trop froid. Eh bien, Alger, où il fait chaud, envoie les siens à Paris, qui les lui paient très cher. Ces fromages viennent du Jura, de l'Auvergne, du Mont d'Or, que tu te rappelles bien. Ces montagnes de beurre, ces paniers d'œufs, viennent de la Grasse-Normandie et de la Bretagne. Paris mange chaque année pour 17 millions de francs d'œufs, ce qui suppose 35 milliards d'œufs. Mon Dieu, dit Julien, que de monde est occupé en France à nourrir Paris. Petit Julien, dit André, pendant que les agriculteurs sèment et moissonnent pour Paris, Paris ne reste pas à rien faire. Lui, car c'est la ville la plus industrieuse du monde. Ses ouvriers travaillent pour la France à leur tour. Et leur travail est d'un fini, d'un goût, tel qu'ils n'ont guère de rivaux en Europe. Et les savants de Paris, donc, ils pensent et cherchent de leur côté. Leurs livres et leurs découvertes nous arrivent en province. Oui, ajouta l'oncle Franz, ils nous enseignent à cultiver notre intelligence, à chercher le mieux sans cesse, pour faire de la patrie une réunion d'hommes instruits et généreux, pour lui conserver sa place parmi les premières nations du monde. Les halles centrales à Paris. Les halles centrales de Paris forment un vrai monument, dont le faîte s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Il est construit presque tout en fonte et en zinc. De nombreux vitraux en cristaux dépolis et des persiennes laissent partout entrer la lumière sans le soleil. Les halles centrales sont un établissement unique en son genre dans le monde.